Comme personne ne salira, donc toi chérie fais de même, ouais de même, ouais de même. Tes copines sont jaloux, elles voudraient avoir de même, ouais de même, ouais de même. Elles voudraient que je marie, moi je pense à la guédard, la guédard, la guédard. Elles voudraient que je marie, prends la peine que je développe, développe, développe. Maman l'a gnaillé, je crois qu'elle m'a crié. Laisse-moi t'expliquer. Aujourd'hui on y est. La champagne est bonne, mais la vérité, dès que tes copines sont trop bonnes, j'en perds mes moyens. Le repas de mes collègues, sauf que de petits corps à côté du sport jusqu'au lendemain. On ne va pas danser, non, on va pas danser. Elle me prend pour un autre. On va tout recommencer, non, je veux pas renoncer. Deux fois, je suis dégoûtant. Comme personne ne salit. Donc toi chérie fais de même, ouais de même, ouais de même. Tes copines sont jaloux, elles voudraient avoir le même, ouais le même, ouais le même. Elles voudraient que je marie, moi je pense à la guédard, la guédard, la guédard. Elles voudraient que je marie, prends la peine que je développe, développe, développe. Ouh bah bah bah bah bah. Je devais kiffer 5 minutes et puis je repars pour faire du papier. Ouh bah bah bah bah. Des copines, arrêtez de nous jalouser, on va pas se marier. Toi et moi, on fait l'amour, on fait la malle. Toi et moi, que nous deux, les deux sont pas là. Envoie j'y mets renseigné devant malade. Je suis pas le genre de mec à faire les galas. C'est pas de l'ego, mais bon, je veux pas faire de dégâts dans ton garçon. Joue pas ton numéro, reste ton naturel. Et peut-être que je serai plus longtemps. Comme personne ne salit. Donc toi chérie fais de même, ouais de même, ouais de même. Tes copines sont jaloux, elles voudraient avoir le même, ouais le même, ouais le même. Elles voudraient que je marie, moi je pense à la guédard, la guédard, la guédard. Elles voudraient que je marie, prends la peine que je développe, développe, développe. Comme personne ne salit. Donc toi chérie fais de même, ouais de même, ouais de même. Tes copines sont jaloux, elles voudraient avoir le même, ouais le même, ouais le même. Comme personne. Moi je pense à la guédard, la guédard, la guédard. Tes copines sont jaloux. Pas la peine que je développe, développe, développe. La la la la la. La la la la la. Elle voudrait s'évader mais on s'emballait. S'évader mais on s'emballait. Qu'on s'est salé, oui on s'emballait. Ce soir, ma chérie, c'est ça l'idée. 50K, game over.